Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule radio. Mon nom est Luc Desormeaux et encore une fois cette semaine pour animer cette belle émission, je serai avec Marc Bouchard. Salut Marc. Salut mon cher. Ça va bien? Ça va très bien, un peu fatigué mais ça va. Ouais, t'es où toi présentement? Moi je suis actuellement en Colombie-Britannique, je suis dans la région de l'Okanagan à Vernon. C'est à peu près 40 km de Kelowna. Une région là bien sûr qui est où il y a beaucoup de fruits, beaucoup de cultures, beaucoup de vins, entre autres. Mais c'est pas pour ça qu'on est ici, tu t'en doutes, là, parce que nous, on touche pas à ça, ces affaires-là. Non, nous autres, non. L'alcool et des choses comme ça, on se tient loin de ça. Mais on va parler, t'es là pourquoi, au juste? Je suis ici pour essayer le nouveau Sportage de Kia, version 2017, là, qui arrive au cours des prochains jours chez les concessionnaires. Bon, on va en parler un petit peu à la fin de ce bloc-là. Juste quelques petites mises au point pour commencer. La semaine passée, je vous parlais du Toyota CHR, puis je vous disais que le nom, c'était Compact I-Road. Et non, le nom, c'est Compact I-Ride, et non pas I-Road. Donc, je m'étais trompé. Donc, je me reprends et je fais cette petite correction cette semaine. Il y avait une autre petite chose aussi que je voulais vous parler. Bon, l'émission est diffusée sur certaines stations de radio. On est diffusé sur Radio H2O, on est diffusé sur Radio Highway. Donc, l'émission est montée en format radio. Donc, ça veut dire qu'on fait quatre blocs de douzaine de minutes à peu près. Puis, on fait des pauses entre chaque bloc pour, bon, insérer de la musique ou des choses comme ça. Puis, des fois, le montage n'a peut-être pas paru tellement fluide, parce que j'essaie de vous faire disparaître le fait qu'il y a des pauses. Je vais arrêter de faire ça. Je vais vraiment vous laisser maintenant les départs à la pause et les retours de la pause, mais vous n'aurez pas les pauses et tout ça entre les deux. Mais ça va être plus facile pour le montage, puis ça va avoir l'air moins artificiel aussi par bout. Fait que je voulais juste aussi vous mentionner ça. Si vous l'écoutez en podcast ou directement de notre site, ben vous allez avoir les départs et les retours de pause, mais pas les pauses. Une autre petite chose que je voulais faire aussi, puis Marc, je t'en ai parlé, je voulais rendre un petit hommage à un homme qu'on a tous les deux connu, dont ça aurait été la fête lundi dernier, et j'ai nommé Jacques Plante. La plupart des gens connaissent peut-être pas Jacques Plante. Les gens qui écoutent l'émission sur Radio Highway vont le connaître. Jacques Plante, c'était un animateur de Radio Highway. C'était aussi la personne qui gérait le site de Radio Highway puis la station. C'était même le fondateur de Radio Highway. C'est ça. C'était son bébé, c'était son idée. Il faut savoir que Jacques était un camionneur connu, ouais. Un gars qui depuis des années là, roulait sur des gros camions, a fait ça longtemps, a eu une émission à la radio satellite là, sur XM ou sur Sirius il y a quelques années. Et il avait même participé à quelques émissions de télé, mais pas devant la caméra, mais comme partenaire. Il y en a une qui s'appelait, je pense, « Mon camion au Canada », où il se promenait d'un endroit à l'autre pour aller faire de la bouffe un peu partout, et c'est Jacques qui était le conducteur attitré. Voilà. Donc, ça, Jacques nous avait approché. Bon, Marc avait déjà fait une émission pour Radio Highway, avait arrêté pour question de temps. Jacques voulait avoir une émission, il nous avait réapproché, puis moi et Marc, on a commencer à vouloir, ben on voulait travailler ensemble déjà, mais ça nous a donné comme un peu l'incitatif pour commencer plus vite que ça se serait peut-être passé si les choses s'étaient déroulées normalement. Jacques voulait vraiment qu'on ait une émission. Jacques avait très hâte d'entendre notre émission. Malheureusement, Jacques a combattu un cancer pendant un certain laps de temps. A été malade, a eu beaucoup de traitements, s'est fait dire que son cancer était en rémission et malheureusement, pas tellement longtemps après, s'est fait dire que son cancer était revenu et qu'il restait quelques temps à vivre. Et malheureusement, Jacques est décédé récemment. Et puis c'était sa fête lundi, ça m'a rappelé que pourquoi on fait ça un peu, pourquoi qu'on est diffusé sur Radio Highway, c'est un peu grâce à Jacques, c'est aussi un peu grâce à Jacques qu'on travaille ensemble présentement. Donc, je voulais juste y rendre un petit hommage. Le Jacques, peu importe où t'es rendu présentement, ben, dis-toi que il y aura toujours un petit peu de Jacques Plante dans Ça roule radio. Oui, mon cher, et écoute, quand Jacques nous a quittés, ça a été un choc pour beaucoup de gens. Ça a été un choc pour moi parce que c'était aussi un ami personnel. Alors, effectivement, avec toi, je veux lui lever mon chapeau. C'est beaucoup grâce à lui si ce podcast-là existe maintenant, si on le fait ensemble. Alors, Jacques, salut, peu importe où tu es. C'est ça. Ça me touche un peu parce que Jacques, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai fait de la radio une fois avec, en remplacement de toi parce que tu étais en voyage d'affaires. Et puis, Jacques m'avait demandé si je pouvais te remplacer. J'avais fait une chronique avec lui, mais on se parlait sur Facebook, on se parlait sur Twitter. Un très, très bon gars. Donc, oui, ça m'a touché aussi. Donc, c'est ça. On voulait rendre un petit hommage sur cette émission. Donc, Marc, tu es en Colombie-Britannique. Tu es en train d'essayer le nouveau Sportage 2017. Personnellement, son look ne me. Surtout l'avant me plaît plus ou moins, mais bon, pour le reste, toi, tu le vends en personne, tu as eu la chance de le conduire un peu, c'est comment? Ben, écoute, on va parler du look parce que je pense que c'est ça qui attire vraiment le premier regard. Et effectivement, c'est loin de faire l'unanimité. Même en personne, les premières fois que tu le vois, l'avant est un petit peu. On dirait que les phares sont inspirés de Porsche. On a mis des feux, des fog lights, des feux anti-brouillard, des phares anti-brouillard en bas du pare-choc. C'est assez particulier sur certaines versions, notamment la version SX, si je vais y revenir. C'est quatre lumière LED vraiment particulière. Alors, je suis d'accord avec toi. On dirait le nez, l'avant, c'est le nouveau design qu'il y a, mais je suis pas certain non plus. Par contre, je dois dire que quand il roule, quand on le voit rouler, ça lui va bien. Il est plus beau en mouvement qu'il n'est arrêté. Ça, c'est la première chose. Autre chose, c'est qu'en termes de design, on a aussi complètement refait l'intérieur. Et là, ben, on a mieux réussi l'habitacle, heureusement, que la façade, la partie avant. Donc, ça fait un intérieur qui est très moderne, qui est ergonomiquement facile à utiliser et qui est pas trop chargé, qui est intéressant. Et dans certaines versions, on peut même avoir un cuir de couleur. Entre autres, il y en a un beige deux tons et il y en a un brun qui est du plus bel effet. Donc, on a vraiment poussé, dans certains cas, vers une espèce de raffinement de l'intérieur davantage. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour un utilitaire sport qui est quand même un petit compact, là, qui n'est pas donné dans ses versions les plus élevées. On parle de 39 000 $ dans la version SX la plus équipée. Mais il y a quand même une version à 24 800 $ qui, elle, est largement suffisante. On va y revenir. Alors, Fait oui. qu'ils ont un peu fait le traitement qu'ils avaient fait pour le Sportage. Ils ont un peu fait ce qu'ils ont fait avec le modèle un peu plus gros, qui ont Le le Sorento. Sorento. Ils ont fait un peu le même principe, c'est qu'on améliore l'intérieur, on donne plus d'équipement, des plus beaux cuirs, ça doit être du cuir Napa, des choses comme ça encore. Exactement. C'est exactement le même principe. D'ailleurs, ils ont comparé abondamment les changements qu'ils ont fait au Sorento à celui qu'ils ont fait au Sportage. Par contre, à part, il faut dire qu'on a aussi gardé la même mécanique, comme on avait fait pour le Sorento. C'est-à-dire qu'on arrive avec deux moteurs disponibles, un moteur 2,4 litres qui, ma foi, est largement suffisant à mon avis, pour la plupart des gens. 181 chevaux quand même, 175 livres-pieds de couple, c'est pas une voiture de course, mais c'est quelque chose qui est intéressant pour la vie de tous les jours, je te dirais là. C'est un moteur qui est léger, qui se conduit bien, qui se comporte bien, jumelé à une boîte de vitesse automatique 6 rapports. Ça fait le travail en masse. Et là, nous, on est en Colombie-Britannique, on est sur des petites routes de la région de la vallée de l'Okanagan. C'est montagneux, c'est sinueux et ça répond relativement bien. Il y a aussi un deuxième moteur qui existe, c'est le moteur 2 litres turbo qui fait 237 chevaux. Et honnêtement, oui, il est un peu plus vif, un peu plus dynamique, mais sincèrement, on n'a pas trouvé de si grande différence. Et j'étais avec un collègue qui est aussi un pilote de course, donc qui a quand même une sensibilité à la performance plus grande que la mienne. Et honnêtement, on n'a pas trouvé que la nuance était assez importante, en tout cas, pour aller payer 37 000 $ 38 000 pour ça. Parce qu'il faut le dire, le moteur 2,4, 2 litres turbo est disponible sur une seule version, qui est la version SX, donc le plus haut de gamme de la version du Kia Sportage. Mais les gens qui veulent avoir la version la plus haut de gamme avec tout l'équipement n'ont pas le choix d'aller vers le moteur 2 litres. Exactement. C'est exactement le cas. Comme tu vois, il y a aussi des versions à traction avant et d'autres à rouage intégral. Ben, si tu veux la version de base, tu peux pas l'avoir en rouage intégral. Ben, tu peux, mais c'est beaucoup plus cher. Donc, tu sais, on a vraiment joué beaucoup avec les versions. Ce qu'on a beaucoup changé, et ça, c'est la grande qualité de ce nouveau Sportage-là, c'est la dynamique de conduite. On a vraiment créé une nouvelle plateforme, on a modifié l'acier et on se faisait un plaisir de nous dire que Kia et Hyundai sont les seules compagnies qui produisent leur propre acier. Donc, ils sont en mesure de déterminer eux-mêmes le type d'acier dont ils ont besoin. Alors, à partir de là, ils ont créé un châssis qui est structurellement mieux fait, mieux pensé, avec de l'acier de résistance différente. Il résiste, écoute, 39% de plus de résistance à la torsion. C'est énorme. Et ça se sent dans la conduite. On a aussi modifié la direction. Écoute, ça demeure un petit utilitaire sport. On ne se cachera pas là, que ce n'est pas une Porsche 911, là. Mais honnêtement, la sensibilité de conduite de la direction électrique est vraiment, vraiment meilleure. Et on a trois modes de conduite, un mode éco, un mode confort et un mode sport. Et on le sent vraiment dans la réponse de la transmission, dans le régime moteur, dans la direction qui se modifie quand on l'utilise. Écoute, même comme passager, quand mon conducteur changeait de mode, j'étais capable de te le dire juste par les changements de régime moteur. C'est quand même, donc ça répond quand même assez bien. Effectivement, c'est vraiment écoute, ça vaut vraiment la peine. Alors, ça c'est le point de vue. Pour le reste, écoute, c'est un véhicule qui est relativement spacieux à l'intérieur, qui est bien fait, qui est bien pensé, auquel on a ajouté, bien sûr, tous les gadgets possibles dans la version haut de gamme. T'sais, par exemple, selon la version, si tu commences avec un écran de 5 pouces pour ton multimédia, tu vas aller à 7 pouces et à 8 pouces pour le SX le plus équipé. Tu vas avoir, bien sûr, un système de navigation. On utilise maintenant Google beaucoup. C'est compatible 100% Android Auto. T'as même bon, la recharge par induction, là. Ça, je trouve ça bien le fun. Depuis que j'ai lâché mon iPhone pour me rendre sur Android, j'ai pas besoin d'un ensemble particulier. Je dépose mon téléphone et il se charge tout seul sans que j'aie besoin de le brancher et ça fonctionne très bien. Bref, tu sais, il y a un ensemble de petits facteurs comme ceux-là. Tu as le haillon automatisé sur certaines versions, c'est-à-dire que quand tu as la clé dans tes poches, il suffit de t'approcher. Tu n'es même pas obligé de faire de mouvement. Après 3 ou 4 secondes, il te reconnaît et le haillon va s'ouvrir de lui-même. Alors, tu sais, il y a un paquet de gadgets qu'on a fait comme ça, mais la grande nouveauté, comme je te dis, c'est vraiment la dynamique de conduite qui s'est tellement améliorée de ce point de vue-là. Sauf que ça demeure marginal, ce partage, hein. On en a vendu 6 000 à peu près l'année passée. On anticipe en vendre 7 500 cette année. Tu sais, on est loin, loin, loin des grands ténors de cette catégorie-là qui vendent 14, 20 ou 30 000 unités, là. Ouais, on essaie de faire notre place, par exemple, mais c'est un bon produit, c'est juste pas nécessairement ce que les gens vont mettre sur leur liste de magasinage en partant. Exactement. Puis objectivement, tu l'as mentionné d'entrée de jeu, le look attire ou repousse. Alors, ça dépend de comment on se sent. Mais je pense que le look joue un grand rôle et honnêtement, je ne suis pas certain que c'est nécessairement toujours avantageux pour Kia. Mais c'est la ligne de conduite qu'ils ont prise avec leur président, Peter Schreier, qui est aussi un designer international reconnu. Bon, on va voir ce que ça va donner sur notre marché bientôt, parce que ça va arriver d'ici la fin de l'année, j'imagine. Ah, ça va arriver d'ici la fin de la semaine, je te dirais. Écoute, c'est presque chez les concessionnaires si ça ne l'est pas déjà. Bon, super, fait qu'on va voir ce que ça va donner. Oui, effectivement, on va voir ce que ça va donner, mais on va voir ce que d'autres véhicules vont donner. Après la pause, on parle de l'essai du Cadillac XT5 et de ton essai de la Hyundai Sonata hybride. Alors, nous sommes de retour. Marc, tu as essayé pour nous, puis tu étais sous embargo pendant un certain temps, mais là, tu as le droit d'en parler, là. GM, tu n'amèneras pas en cause. Tu nous dis quelque chose sur le Cadillac XT5? Non, non, non, ils vont me lâcher ce coup-là. Non, c'est effectivement le Cadillac XT5. Il y avait un embargo jusqu'au 9 mars. L'idée derrière l'embargo, on va le préciser parce que les gens comprennent mal, c'est que nous, on est allé essayer le véhicule avant sa sortie, évidemment, sur le marché, parce qu'il va arriver juste au mois d'avril, et ils ont amené plusieurs vagues de journalistes. Mais évidemment, on ne peut pas tous être là en même temps. Et pour éviter de donner un avantage à un journaliste plutôt qu'à un autre, et ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent une date d'embargo pour être sûr que tout le monde a eu l'occasion d'essayer le véhicule. Et ça sort tout en même temps. Donc, c'est pas parce que tu l'as essayé le lundi que tu as un avantage que tu peux sortir dès le lundi soir. Tu es obligé, comme tout le monde, d'attendre au mercredi de la semaine suivante. Ça donne une chance égale à tout le monde. C'est logique dans ce cas-là, parce que c'est sûr que le journaliste qui est dans la première vague, ben, peut sortir son article le lendemain, puis les autres qui n'ont pas encore eu le temps de l'essayer, eux autres, ben, c'est ça. Fait que t'as l'air en retard, mais pourtant, c'est pas parce que t'es en retard, c'est parce que t'as juste pas été invité en même temps. C'est bien, c'est une bonne idée. Exactement. Et comme c'est souvent des programmes mélangés, Canada-États-Unis, ben souvent les Canadiens, on arrive un peu avant ou un peu après. On est rarement en même temps. Alors, si on veut s'assurer que l'Amérique du Nord sort tout ça en même temps, ben on met une date d'embargo. Donc, il y a une certaine logique. Super. Puis c'est comment le Cadillac XT5? Écoute, c'est une amélioration pour Cadillac qui est, comment je pourrais dire, impressionnante, sincèrement. Faut dire que moi, je n'étais pas un fan du SRX. L'ancien utilitaire transport multisegment, devrais-je dire, qui avait. Je n'étais vraiment pas un fan. Je trouvais que c'était quelque chose qui était un peu moumou, un peu ennuyeux. Le look, on voulait faire un petit utilitaire sport, on l'a fait vite, fait que débrouillez-vous avec ça. Le nouveau XT5 est vraiment mieux conçu. Il est pensé pour être dans la lignée des nouveaux véhicules Cadillac. Cadillac qui veut vraiment s'imposer là comme de retour dans la classe des véhicules de luxe. Alors ça, c'est intéressant parce que ça nous amène un véhicule qui est beaucoup plus agréable à tous les points de vue. C'est une belle amélioration. Est-ce qu'il est parfait? Non, mais c'est une belle amélioration. Belle amélioration en termes de look. On reprend le look des nouveaux Cadillac, incluant le CT6. Donc, on a un capot qui est en avant, un peu plus rond, un peu plus imposant. Il a l'air un peu pato à la limite, je te dirais, là. Mais ça fait quand même intéressant. Ce qui est le plus beau, à mon sens, c'est les lumières, les blocs optiques en avant, qui sont des espèces de feux qui longent l'arête du véhicule. Quand on le voit venir dans le miroir, écoute, on sait immédiatement que c'est un Cadillac. C'est vraiment un signe distinctif. Et cette lumière d'aile qui descend va redescendre un peu plus bas dans le pare-choc aussi. Donc, on a mis comme un deuxième bloc de lumière d'aile sous le pare-choc. Vraiment, ça donne un effet spectaculaire. Ça, c'est la partie qui, moi, m'a impressionné le plus en termes de look. La partie arrière est un peu plus ennuyante, un peu plus passe-partout, je te dirais, là, par rapport à ce que Cadillac nous propose. Mais OK. évidemment, c'est pas ça qui, c'est pas avec ça qu'ils veulent nous charmer, là. Non, non, non, c'est sûr. C'est l'avant, puis sûrement l'intérieur aussi. Ouais, ben c'est ça. L'intérieur, évidemment, ils l'ont bien aménagé, ça a été bien fait. On a mis, encore une fois, on a dit, parce qu'on le sait, les systèmes multimédia sont la plus grande plainte des conducteurs. C'est ce qui génère le plus de plaintes chez les manufacturiers. Alors, le Q de Cadillac, on l'a considérablement amélioré, plus facile d'utilisation, même si pour moi, on serait mieux encore avec certains boutons traditionnels, mais ça, c'est probablement parce que je vieillis. T'es pas obligé de répondre. Non, mais le Q à date, pour avoir essayé beaucoup de systèmes de divertissement, le Q pour moi est dans le top 3 des pires, mettons. Donc, Ouais, ben là, je dois dire que pour le XT5, ils l'ont amélioré, mais c'est quand même pas super génial. Un autre élément qui m'a beaucoup dérangé, c'est l'espace à l'arrière. Parce que tu as un immense toit panoramique disponible sur certaines versions en option. Et ce toit-là, ben, descend le plafond du véhicule de façon marquée. Tellement que moi, qui pourtant ne suis pas très grand, quand j'étais assis à l'arrière, j'avais la tête presque à côté au plafond. Alors, j'imagine que mon grand fiston qui fait 6 pieds 2, lui, aurait trouvé le temps extrêmement long. C'est vraiment. Écoute, ça m'a frappé. Pour que moi, ça me frappe, puis comme je te dis, je ne suis pas très grand, là, je fais 5 pieds 7. Donc, c'est vraiment dérangeant. C'est pas quelque chose que j'ai trouvé très agréable. Mais la clientèle de cette voiture-là, la clientèle de Cadillac est peut-être une clientèle un peu plus âgée. Donc, on peut-être pas nécessairement beaucoup de gens qui s'assoient en arrière. C'est monsieur et madame qui partent, des choses comme ça. Je sais pas si c'est quelque chose qu'ils n'ont pas nécessairement regardé parce qu'ils regardent leur démographique puis ils se disent c'est peut-être plus ou moins important, je sais pas. Que veux-tu, c'est des choses qui arrivent. Sous le capot de ça, ben, c'est un moteur V6 310 chevaux, c'est le moteur qu'on connaît, qui se montre intéressant. Lui, je l'ai essayé en Californie. Ça va bien en ville, ça va bien sur autoroute. Faut pas que tu pousses trop fort, parce qu'on sent qu'on atteint rapidement la limite malgré le fait que c'est 310 chevaux. Boîte automatique, 8 rapports, t'as un mode manuel là, que tu peux changer, mais évidemment, dont personne ne se sert jamais. Sauf que je peux te dire que quand on a essayé d'insister un peu pour des dépassements, on avait l'impression là, que le moteur soufflait, râlait un petit peu. Ça, mais c'est le genre d'affaire, tu l'as mentionné, que la clientèle générale de Cadillac, même si on veut la rajeunir et qu'on va la rajeunir avec ce véhicule-là, c'est pas la clientèle typique qui va exiger beaucoup plus de son moteur. Non, c'est ça. De toute façon, un VUS, on n'achète pas ça pour faire de la course, on achète ça pour que ça soit utilitaire, tu sais. Donc, c'est probablement acceptable. En autant que c'est confortable, puis que les reprises sont quand même bien. Je sais, le monde se plaindra pas trop. Effectivement. Un autre détail qui vraiment me marque beaucoup sur le XT5, et c'est la même chose qu'on a parlé sur le Sportage tantôt, c'est vraiment la dynamique de conduite. On a amélioré la direction du XT5 de façon, écoute, remarquable. Ça nous donne une direction qui est communicative, alors qu'auparavant, tu sais, conduire un Cadillac, là, c'était pas la chose la plus stimulante au monde. Mais là, vraiment. On ressent les sensations de route, on sait où on s'en va, et il y a même un petit mode sport aussi, là, mais c'est pas nécessairement, tu sais, lui, il va jouer surtout sur les changements de rapport, mais c'est pas nécessairement quelque chose que l'on va utiliser beaucoup, là. C'est plus, je dirais, c'est un accessoire, un gadget dont on n'utilise pas. Alors, bref, c'est évidemment un véhicule qui est confortable, qui est luxueux. Si on va sur t'as des versions premium, des versions luxury, des versions platinum, encore une fois, toutes sortes d'aides aux conducteurs, des aides au changement de voie qui sont disponibles. La seule vraie particularité, en fait, qu'on ne retrouve pas ailleurs, c'est la caméra haute définition qui s'installe en arrière. Et ça, c'est particulier parce que ce que ça fait, c'est comme elle est installée derrière, tu peux choisir d'avoir l'affichage directement dans ton rétroviseur central. Fait que t'as pas, quand tu regardes dans ton rétroviseur central, tu ne vois pas tes passagers et les bancs arrière, tu vois l'image directement de la caméra. Ouais, c'est pas ce qui avait gagné technologie de l'année de l'Ajax, ça, justement. Ouais, sauf Okay. qu'on s'est aperçu cependant qu'il y a une différence importante entre la réalité et l'image qu'on nous projette en termes de distance. Alors, c'est pas nécessairement facile. Okay. Mais bon, c'est un beau gadget. C'est une belle bébelle que j'ai beaucoup appréciée, que moi j'ai adoré, mais qui est un peu bébelle technologique. Alors, XT5, oui, moi je lui donne un 8 sur 10. Ça vaut la peine. C'est vraiment un grand changement. Ça va être une nette amélioration pour Cadillac. Mais encore une fois, ça va demeurer quand même un véhicule de niche. Pas au grand volume, je ne pense pas. En tout cas, du moins pas dans mon esprit. Ouais, Mais non, toi, moi tu as essayé quelque chose qui est plus grand public un peu, là. ouais, moi je suis au volant cette semaine de la Hyundai Sonata hybride 2016. Agréablement surpris. Ben, je peux dire agréablement surpris, oui ou non. Je veux dire, j'ai conduit la Sonata quelques fois. J'ai conduit l'Optima qui est son pendant chez Kia. C'est une voiture que j'aime beaucoup. Tu le sais, la Kia Optima, tous les deux, on l'aime beaucoup. La Sonata, c'est beaucoup similaire en agrément de conduite et tout ça. J'aime beaucoup le redesign qu'ils ont fait. De certains angles même, je trouve que la nouvelle Sonata a presque l'air d'une Audi, avec ses rondeurs, puis avec la nouvelle calandre en avant, là, la nouvelle grille de calandre, je trouve que ça fait presque Audi. Donc c'est un compliment, là. C'est une voiture qui est vraiment magnifique. L'intérieur, moi j'ai une voiture bleu foncé avec un intérieur beige, qu'on pourrait peut-être appeler pierre, là. C'est comme un beige gris. C'est vraiment, vraiment très joli. Côté motorisation, bon, c'est un moteur 2 litres là, avec une batterie pour vous donner le mode hybride. Présentement, je suis vraiment surpris parce que j'ai quasiment 500 km de fait. Et puis je la conduis comme un propriétaire de voiture électrique et verte le fait un peu. Donc je suis conscient de ce qu'il faut que je fasse pour avoir des bonnes économies d'essence. Mais quand même, quand j'ai besoin de puissance, je vais en demander. Puis présentement, ce matin, à l'heure de cet enregistrement-là, j'ai une moyenne de 5,4 litres au 100 km de consommation, ce qui est vraiment excellent pour une berline de cette grosseur-là. Oui. C'est Puis juste que ce qui est important à souligner dans ta phrase, c'est que tu la conduis comme un propriétaire de véhicule électrique. ouais, je la conduis comme on devrait conduire ce genre de véhicule-là. C'est ça. Sauf que, tu sais, le problème des véhicules hybrides, c'est ça, c'est qu'on les conduit rarement de cette façon-là. C'est pour ça qu'on atteint rarement les cotes qu'on nous promet. Mais tu as raison, la Sonata, de ce point de vue-là, cependant, elle est très efficace, là. Oui, c'est efficace, est quand même agréable à conduire. Petit point négatif, peut-être la direction qui semble un peu molle, mais ça, c'est une direction électrique, hein, fait que souvent, on a peut-être cet effet-là. J'ai l'impression qu'il y a un peu de mou dans la direction. Mais pour Oui, le. ben, c'est effectivement, comme tu le mentionnes, une direction électrique, on a voulu jouer la carte davantage du confort que de vraiment de l'efficacité. Alors évidemment, ça donne ce genre d'affaire-là, là. C'est sûr que la précision de conduite, mais quand même, c'est agréable à conduire. La puissance quand on en a besoin. Le mode électrique, la seule chose, je trouve que quand on va du mode électrique au mode à essence, c'est peut-être pas aussi transparent que j'aimerais que ça soit. À un moment donné, quand le moteur démarre, on le sent que le moteur démarre, ça donne une espèce de petit coup. Puis on sait vraiment qu'on vient de passer en mode électrique, en mode à essence au lieu d'en mode électrique. Il y a aussi ce que je trouve, il y a un mode start-stop. Quand on arrête complètement une lumière, le moteur devrait s'éteindre ou va s'éteindre, mais des fois il va repartir pour recharger la batterie. Ce que pour moi je trouve c'est un peu un non-sens parce qu'on génère assez d'énergie en roulant. À l'arrêt, on pourrait juste laisser le moteur éteint puis le rallumer quand on repart. Fait qu'il y a peut-être des petites choses à ajuster dans le mode hybride, mais ça, c'est juste moi, là. Peut-être que les ingénieurs de Kia puis de Hyundai voient ça d'un autre œil. Mais il me semble pour moi, un moteur qui a un start-stop à l'arrêt, ça devrait être arrêté et tout ça. Puis quand on relâche Mais le ouais, frein, mais c'est jamais ça repart. complètement arrêté comme ça. Ça dépend toujours des. Tu sais, même les plus performants vont faire ça différemment, là. C'est ça. Il faut, oui, tu as raison, il faut bien qu'il recharge, là, tu sais. Fait que ça pourrait travailler un peu comme ça. Pour le reste, confort intérieur, c'est très bien. Technologie, c'est très bien. Siège chauffant, volant chauffant. Beaucoup d'espace dans le coffre, beaucoup d'espace à l'arrière. Donc, si vous cherchez une berline, la Sonata, c'est un excellent choix, autant que l'Optima dans sa grandeur. La Sonata peut-être l'air un petit peu plus luxueuse. L'Optima peut-être un peu plus sportive, même si c'est peut-être un peu moins vrai avec la nouvelle version. Mais c'est des voitures qui sont vraiment agréables à conduire. Puis comme je vous dis, j'ai réussi à avoir 5,4 litres au 100 km. Si vous faites moins attention, vous allez probablement vous ramasser à être capable de faire du 6, 6,5, là. C'est vraiment, vraiment excellent comme voiture. Je suis vraiment agréablement surpris. Je passe une belle semaine au volant de la Sonata. Franchement, là, je peux pas dire le Ouais, contraire. c'est juste le prix d'achat qui me dérange un peu. Ouais, ça peut être un peu cher, là. Je pense que l'hybride commence à quoi? 26, 25 000 $? 29 000, 29 649. Ça Exactement. Alors, faut, ça commence à être un peu dispendieux, là. ouais. C'est le genre de voiture, si vous voulez payer 30 000 $ pour une voiture hybride, apprenez à la conduire comme il faut parce que c'est là que vous allez faire vos économies. Si vous conduisez ça comme une Porsche, ben, Ouais. ça vaudra pas la peine. Ben justement, si vous voulez apprendre à conduire un peu voiture hybride ou voiture électrique, on vous invite à rester avec nous après la pause. On reçoit Martin Archambault de l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors, nous sommes de retour et on est avec Martin Archambault de l'AVEC pour parler voiture électrique. Salut Martin. Salut, ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, numéro un, l'été arrive. Alors, on retrouve l'autonomie qu'on a perdue pendant l'hiver sur nos auto électriques. Fait qu'on est tous les conducteurs d'auto électriques sont heureux. Ouais, il fait beau et chaud. C'est vrai qu'on se croirait presque au printemps, mais au mois de mars, il y a toujours une petite tempête qui nous attend. Donc, on verra Ouais. ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, mettons. Restons prudents. Ouais, restons prudents. Bon, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine dans l'univers de la voiture électrique? Ben, plusieurs petites choses. J'avais pensé commencer par parler de la Chevrolet Volt 2017, dont on entend parler depuis un petit bout de temps. Eh bien, je peux vous annoncer de sources officielles que les modèles 2017 vont être disponibles au Québec d'ici quelques jours. Les détails sur les prix et l'offre seront publiés bientôt. Par contre, on sait déjà que les taux d'intérêt à l'achat et à la location pour les modèles 2017 vont être les mêmes que pour les 2016, soit 2,99% à l'achat, 84 mois et 5,9% en location. Donc ça c'est déjà confirmé. Pour le reste, ben, les détails sont à venir, mais on a beaucoup de questions à l'AVEC là, à propos de l'arrivée de ces modèles 2017. Je pensais que c'était intéressant et important de le dire, là. Il y en a qui attendent impatiemment cette arrivée-là. Donc, c'est une question de jour. On sait-tu s'il y a des changements, nouvelles couleurs ou quelque chose de disponible ou c'est pas mal? Parce que si on pourrait dire, la run de voiture 2016 n'a pas été tellement longue, si je me rappelle bien, mais ça a l'air à bien se vendre, par exemple. Oui, ça se vend très bien, ça s'est vendu très rapidement. En fait, quand tu dis pas tellement long, c'est que effectivement, entre le moment où les voitures sont arrivées et le moment où on a su que c'était terminé, que ça allait aller à la 2017, là, ça a passé. Il y a du monde qui n'a même pas le temps de se revirer de bord puis commander à l'heure finalement que c'était fait, là. Ouais. Donc, pour répondre à ton autre question sur ce qui est des couleurs, je pourrais pas te dire, je vais pas vous induire en erreur, j'ai aucune idée si les couleurs sont différentes. C'est le genre d'information que je peux te donner la prochaine fois, là. C'est bon. Mais pour le reste, les détails, là, on devrait sur le site de l'AVEC, donc aveq.ca, les photos, l'information, tout ça va être publié là, dès qu'on va avoir l'information. Super. Ensuite, peut-être te parler un peu de Mitsubishi qui confirme la production de son véhicule utilitaire sport électrique, la EX. Ouais, on avait parlé dans une émission qui portait dans le temps un autre nom. Oui, monsieur. Ouais. Donc, le patron de Mitsubishi a confirmé ce qu'on savait déjà là, au Salon de l'Auto de Genève, confirmé que le VUS électrique EX Concept devrait arriver sous peu en production. L'idée derrière tout ça, c'est d'avoir le véhicule disponible avant 2020. Donc, on pourrait le voir sur les routes là, d'ici quelques années, là, 3 ou 4 ans à peu près. Donc, on est encore à l'état prototype, mais au moins le lancement de la production puis des tests vont commencer. Donc, c'est intéressant. C'est fidèle, en tout cas, du moins dans les images de ce qui a été rendu public à Genève, à ce qu'on avait eu comme information. Donc, D'ici ce temps-là, parce que c'est à la fois vite et loin, là, 2020, si on veut une auto électrique aujourd'hui, on n'attendra pas jusque-là, bien entendu. Bon, ça commence à être loin, puis Mitsubishi a besoin de bouger, là. Il y a besoin de se passer quelque chose dans cette compagnie-là, là, parce que, mettons qu'on a l'impression que ça dort au gaz un peu. Ils ont besoin Ouais. de renouveau. Effectivement, puis c'est un peu dans cette optique-là qu'il semblerait que l'offre de véhicules hybrides rechargeables disponibles chez Mitsubishi va s'élargir un peu d'ici 2020. Donc, en attendant l'arrivée de ce nouveau VUS électrique-là, ben, il y aura peut-être d'autres annonces qui vont se faire de versions là, hybrides rechargeables de véhicules Mitsubishi. Mais il n'y a rien de confirmé encore. Donc, attendons. Mais du moins, c'est une bonne nouvelle. Ce qui est des informations sur le véhicule dont on avait eu un peu vent, ben, ça se confirme un peu. On parle d'une autonomie. Ce qui est surprenant, c'est qu'on nous parle d'une autonomie de 400 km, 250 000. Par contre, quand on regarde les specs de la batterie, 45 kW, c'est un peu incompatible les deux, là. Probablement que c'est. On sait que l'évaluation de l'autonomie des véhicules est faite selon différentes échelles d'analyse. Il y a une échelle nord-américaine, il y en a une européenne qui est la New European Driving Cycle, la NEDC, qui est un peu généreuse, là. C'est-à-dire que si on convertit un peu cette échelle-là dans une échelle qui nous semble un peu plus réaliste et avec laquelle on travaille en Amérique du Nord, on peut penser que ça va ressembler plus à 225 km que 400. C'est une différence qui est quand même majeure, là. Assez, mettons, ouais. Mais 220, on parle de 225 réels, par contre, là, pas de 225 annoncés. Donc, 25, si on regarde la puissance de la batterie, 45 kWh, nos véhicules actuels, une Leaf, par exemple, là, dans sa dernière version, c'est une version qui est à 30 kWh. Ouais. Dans les versions précédentes, 24 kWh. Donc, on voit que c'est quand même pas mal plus gros. Donc, c'est intéressant, mais en même temps, on parle pas du double, là. Non. Donc, 225 à 250 km, je pense que c'est beaucoup plus réaliste que le 400 annoncé. Ça va être un full électrique, ça veut dire seulement électrique, pas de prolongateur, de choses comme ça, ou du moins pas à date. Du moins, c'est exactement. Donc, il n'y a aucune information à savoir que ce serait avec prolongateur. Pour l'instant, on parle uniquement de tout électrique. Bon, on va attendre que ça sorte, puis on va probablement avoir plus de détails sur le développement tranquillement. Yes, monsieur. Ensuite, Audi qui a des bonnes intentions, je vais le dire comme ça. Donc, qui là aussi, lors des derniers salons de l'auto, là, entre autres à Genève, s'est commis de dire qu'elle voulait devenir une entreprise un peu plus dégourdie, un peu plus brave, prête à prendre plus de risques pour être capable d'offrir des véhicules un petit peu plus jazzés dans le monde du véhicule électrique. On sait que ils ont déjà des véhicules électriques branchables, avec c'est probablement le véhicule avec le nom le plus controversé de l'histoire de l'automobile, avec la e-tron A3. Ouais, faut bien faire exprès pour mentionner le nom anglophone, parce que si on le francise, ça devient encore plus louche. Ouais, Ouais. exactement. Donc, ils ont la A3 e-tron. Il y a aussi la e-tron Quattro Q7. Par contre, on nous parle que d'ici 2025, encore là, on n'est pas demain matin, là. On nous parle d'un véhicule qui pourrait avoir une autonomie de 500 km dans une berline avec une technologie de batterie qui permettrait la recharge en 15 minutes. Bon, souvent dans les annonces comme celle-là, faut aussi faire le discernement entre les souhaits. Donc, qui sont constatés par le développement technologique, puis on présume, on extrapole un peu, puis on dit, bon, ben, regarde, la façon dont on a amélioré nos affaires dans les 2 dernières années, on peut présumer que. Puis la réalité, tu sais, des fois, ça se présente pas exactement comme on l'avait pensé. Moi, genre de Écoute. retour dans le futur, retour vers le futur où tous les chars volent en. Ouais, ben, je suis pas sûr qu'on va être là. Puis 500 km, j'y crois, parce qu'il y en a déjà des véhicules qui sont pas mal dans ces eaux-là. Mais une recharge en 15 minutes, donc ça commence à être vite en titi. Maintenant, Ça va chauffer les batteries. c'est vrai que ça va vite, la technologie, donc c'est peut-être possible. Reste à voir si ça va se réaliser. Mais c'est quand même intéressant de voir que Audi travaille sur des technologies aussi un petit peu plus performantes. Là, on parlera probablement de par le prestige du véhicule, l'autonomie annoncée là d'un véhicule qui va être quand même dans le haut de gamme, là. Donc ça sera pas à la portée de toutes les bourses. Ouais, Volkswagen aussi a annoncé quelques véhicules électriques qui devraient s'en venir bientôt. Je pense qu'on essaie un petit peu de faire oublier le scandale du diesel. Donc, ça nous prend un petit peu d'autre chose. Donc, Donc, on va voir ce que ça va donner dans le futur. Peut-être qu'ils vont travailler vraiment fort pour améliorer leur image. Donc, des véhicules plus verts, électriques branchables. On va voir. Ouais, hybride branchable, on va voir. Excellent. Donc, un autre point pour ceux qui l'auraient manqué, c'est annoncé au Salon de l'Auto de Québec il y a pas longtemps, hein, que le circuit électrique, évidemment, qui est une entreprise sous la tutelle d'Hydro-Québec, qui annonce qu'elle veut accroître son réseau, son partenariat et son réseau de bornes de recharge, autant les bornes rapides. On sait qu'il y a déjà un déploiement de bornes rapides qui est annoncé. Pour ce qui est des bornes 240 volts, qui sont les bornes, je dirais, là, pour des recharges à un petit peu plus longue durée. Donc, quand tu te stationnes pendant un petit bout de temps puis que tu veux laisser ta voiture-là se recharger, c'est un peu l'équivalent de ce que les gens qui ont des voitures électriques ont à la maison. Ouais, c'est ça. On sait que le réseau est appelé à se développer encore plus, mais là, il y a une confirmation de 1500 nouvelles bornes de recharge publiques qui seront installées et l'appel d'offres a été gagné par l'entreprise québécoise AdEnergie. Donc, c'est quand même intéressant que ce soit une entreprise d'ici qui ait rapporté cet appel d'offres-là. C'était déjà AdEnergie et déjà le partenaire du circuit électrique et ce sont eux qui, depuis déjà un petit bout de temps, installent les bornes du circuit électrique. Donc, c'est comme une prolongation de contrat. On peut voir ça comme ça. Là. C'était un nouvel appel d'offres, mais ils l'ont gagné à nouveau. Donc, c'est un contrat d'une durée de 4 ans qui va entrer en vigueur en 2016, donc en avril 2016. Donc, c'est comme demain matin. Presque, c'est ça. Alors, il reste à suivre le plan d'évolution de tout ça, puis la mise en place des bornes. On sait que c'est un modèle d'affaires qui fonctionne avec du partenariat, donc des entreprises qui se rendent disponibles ou qui embarquent là, dans l'aventure en rendant des places de stationnement disponibles et en finançant là, une partie de ces installations-là. Et puis, les tout premiers à participer étant le Saint-Hubert, Rona, Métro, etc. Les stationnements aussi incitatifs pour les trains de banlieue puis tout ça. Là. Donc, c'est un peu le modèle d'affaires, mais depuis une foule d'autres entreprises se sont jointes et puis sont devenues partenaires des villes, etc. Donc, ça croît. C'est une preuve et c'est en fait même déjà indéniable que dans les grandes villes et les grandes régions urbaines, le nombre de bornes est appelé à croître et est déjà très grand. Il y a plein d'applications sur Internet, là, les gens intéressés par les véhicules électriques qui ont peur de manquer de bornes ou d'endroits pour se brancher. Je vous suggère de faire des petites recherches fort simples sur Internet pour regarder les bornes de recharge déjà disponibles. Juste dans la région de Montréal, c'est plusieurs centaines, là, que ce soit du circuit électrique ou d'autres réseaux. Mais on le sait, hein, on ne veut pas se stationner à 1 kilomètre de où on va, donc c'est important qu'il y en ait un peu partout. Ouais. Et puis c'est un peu le but visé par l'accroissement du réseau avec ces 1500 nouvelles bornes-là. Ouais, il commence à en avoir pas mal, ça devient de plus en plus intéressant. Mais ce qui est drôle, c'est que probablement, tu sais, là, on est en train de mettre en branle une architecture de recharge pour des voitures qui ont 160 km d'autonomie environ, 130, 160, quand que les voitures à 300 km et plus sont comme à la porte, là, on a la Bolt qui s'en vient, Nissan va sûrement annoncer quelque chose dans un avenir rapproché, ils se laisseront pas damer le pion par GM, t'as Tesla qui va annoncer la Tesla 3, normalement le 31 mars, elle est pas prête à sortir, mais on va voir quand même un peu d'informations. Donc, tu sais, cette architecture-là, est-ce qu'elle va être autant utilisée qu'aujourd'hui quand les gens vont en fait le switch vers les voitures à plus grande autonomie? Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui va se débarrasser de sa voiture à 160 km non plus. Il y en a pour qui c'est suffisant, mais ces bornes-là vont probablement être moins nécessaires dans un avenir rapproché. Mais ça va toujours être le fun d'en avoir pareil, parce que tu sais jamais, tu sais, quand tu as besoin de charger. C'est bon. Merci, ben, Martin. Je te remercie. C'est moi qui te remercie. Et puis, ceux qui veulent plus d'informations sur les véhicules électriques, je vous invite à faire un petit tour au www.aveq.ca. Puis, on pourra répondre à toutes vos questions. Super. Merci de ton intervention encore cette semaine. Merci. Bye. Alors, nous, on fait une petite pause, puis on revient avec les nouvelles sur le monde de l'automobile. Alors, nous sommes de retour. Marc, avant de partir à la pause, on disait qu'on tombait dans notre bloc nouvelles de l'industrie. Eh bien, c'est ce temps-là qui est arrivé. Qu'est-ce qui se passe cette semaine dans le monde de l'automobile? Écoute, Luc, je sais qu'on vient de parler de voitures électriques et de voitures vertes et tout. Moi, je vais te parler d'une voiture verte, mais pas tout à fait dans le même sens. OK. Dans mon cas, vert, c'est vraiment la couleur. Parce que c'est un véhicule que Jeep a proposé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, dans le temps de Pâques, le Easter Jeep Safari, qui est à Moab, au Utah, entre le 19 et le 22 mars prochain. Généralement, il y a des centaines, voire des milliers de personnes, des amateurs de hors-route qui s'en vont sur place. Et Jeep en profite toujours, avec mon père, pour présenter des concepts un peu particuliers. Or, ils ont présenté cette semaine un Jeep Wrangler vert néon, peut-être un peu jaune quasiment, mais vert, qui s'appelle le Trail Cat. Tu comprendras que pour s'il s'appelle le Trail Cat, c'est qu'il y a un lien de parenté proche avec le Hellcat. On a donc placé sous le capot de ce Jeep-là le moteur du Hellcat, 707 chevaux, sur un Jeep Wrangler. Alors, Ouais. t'imagines que les roches vont voler en arrière probablement. Écoute, c'est sûr que c'est un prototype. Je ne pense pas qu'il n'y a jamais été question d'envoyer ça en production. Mais si vous allez avoir l'occasion, il y a une vidéo qui est assez virale, qu'on voit un peu partout. Allez voir ça, allez écouter le son de ce moteur-là. C'est assez spectaculaire. C'est très particulier. Les amateurs de Jeep ont un petit peu crié au génie en disant, écoutez, ça nous prend ça, ça nous prend ça. Ben, on n'est pas rendu là tout à fait encore, mais c'est quand même une bébelle qui est amusante et qui est intéressante. Fouillez un peu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura sept concepts de cette nature-là qui vont être présentés à Moab. Donc, ça va être à suivre au cours des prochaines semaines. Mais Chrysler n'avait pas annoncé son intention de faire un Jeep SRT L4, non? Ça Oui, vient un Cherokee. un Cherokee L4, OK. Oui, il va avoir le Cherokee L4, mais on s'entend pour dire que le Cherokee est capable de le prendre. Il y avait déjà la version SRT, tu l'as mentionné, qui faisait 500 chevaux. Donc, mais entre un Cherokee puis un Wrangler, le Wrangler, c'est vraiment le roi du hors-route. Je vois pas Non, vraiment pourquoi on grefferait sous le capot 700 chevaux, là. je pense pas que ça sert vraiment à grand-chose parce que ce que tu veux quand tu fais du hors-route, c'est de la précision ou être capable d'envoyer un petit peu de puissance au pneu pour te sortir de certaines impasses. Un moteur L4, je pense pas que ça rentre dans cette catégorie de un petit peu de puissance aux roues. Mais Non, bon. si ça c'est un petit peu, on a quelque chose qu'on n'a pas compris, Luc, Ouais, c'est certain. c'est sortir par la force du trou, par exemple, à un moment Ouais, c'est ça. donné. Ouais, tu veux, tu Catapulté. pars, avec un moteur de L4, tu pars avec la montagne, tu passes pas par-dessus. En Ouais, tout c'est à peu près ça. cas, dans la série des autres concepts qu'on a vus cette semaine aussi, il faut savoir que BMW a célébré son centenaire au cours des derniers jours. Donc, la compagnie a eu 100 ans. Il y a eu d'ailleurs écoute, c'est un aparté, là, mais Mercedes-Benz a été incroyablement baveux, je dirais, dans ce concept-là. Comme je l'ai dit, BMW avait fait un gros plat sur leur centenaire et tout. Et Mercedes-Benz a fait des publicités annonçant leur musée. Parce qu'il faut se rappeler que c'est Mercedes-Benz qui, en 1886, a présenté la première voiture officielle et le premier brevet pour une construction de voiture avec la Benz Patent Motor Wagon, qui est une patente, là. Si vous essayez ça, c'est assez fou, là. Mais, donc, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est que pendant que BMW célébrait son centenaire, ils ont publié des pubs en disant « Bon anniversaire, BMW, on est content pour vous. Si vous voulez voir toute l'histoire de l'automobile, venez visiter le musée Mercedes. » OK. Une petite vacherie à son plus grand compétiteur, finalement, après Effectivement. BMW puis J'ai trouvé que Mercedes. c'était baveux un peu, mais c'était agréable et amusant. Par contre, BMW a profité de ce centenaire-là pour présenter aussi des concepts. En fait, pour le moment, il y en a un. Il y en aura quatre au cours de l'année. Il y aura une moto, il y aura un Rolls-Royce, il y aura une Mini. Et celui qu'on a présenté, c'est la Next 100. Donc, la vision Next 100, les 100 prochaines années. C'est un concept absolument flyé de voiture électrique, autonome, bref, à peu près n'importe quoi. Faite évidemment en fibre de carbone, ultra léger et tout. C'est vraiment, vraiment spécial. Et ce qui est particulier, tu l'as peut-être vu d'ailleurs, c'est les roues avant. La façon dont les roues avant. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a jumelé les roues avec la carrosserie. OK. Littéralement. Alors, ce que ça donne, c'est que c'est ta carrosserie qui sert de roue et qui bouge et qui s'étire en tous les sens. C'est dur à expliquer, il faut voir la vidéo pour le savoir, pour le comprendre. On dit que ça améliore l'aérodynamique et que ça permet d'être plus efficace sur la route. Sauf que j'ai hâte de voir ça dans le set chez nous, là, mais en tout cas, c'est Ouais, un c'est autre ça. débat. Ça va peut-être bien dans des conditions idéales, là, mais ouais. Ouais, non, mais tu sais, quand tu le regardes, tu vois bien que ça n'arrivera jamais. Mais assis à l'intérieur, tu as des lumières qui t'indiquent quel angle de prendre ta... En tout cas, c'est vraiment flyé. Allez voir la vidéo de ça, c'est assez particulier. C'est assez unique de cette façon-là. Dans cette partie très unique, un petit mot pour un ingénieur, un mécanicien plutôt, de la région d'Ottawa. Je sais pas si vous avez vu ça à la télé, ça aussi, c'est une vidéo à aller voir. Le gars, il a transformé sa Smart en véhicule hivernal. Alors, il a pris une Smart Diesel 2006, il a ajouté des chenilles, il a fait des skis à la main en avant et il roule avec sa Smart sur la neige, un peu comme si c'était une motoneige. OK. Fait que ça, c'est parce qu'on est dans la lignée de ça. Nissan a fait la même chose, ben, ou presque, là, avec son fameux Nissan Rogue Warrior que les journalistes ont eu l'occasion d'essayer cette semaine dans la région du Valinouette au Saguenay. Donc, des chenilles que l'on installe à l'avant et à l'arrière du Rogue Warrior, c'est très particulier comme look. C'est super intéressant à voir. Demain, ce ne sera jamais commercialisé, mais c'est cute si jamais ça vous tente de faire de la motoneige, un nouveau genre. Ouais, motoneige caché en dedans d'un habitacle d'auto, c'est peut-être quand même pas si pire, du chauffage pis tout, pis tout. C'est ça, ouais. Puis en fait, tu as vraiment tout le confort et ça se conduit avec un volant et tout. Sauf que je sais pas comment fonctionnent les freins. En tout cas, faudrait voir. Avec beaucoup de Dans la sport. série des actualités un peu plus sérieuses, BMW qui, sur sa lancée de voitures électriques, ça va assez bien avec la i3, la i8 qui est une hybride. Mais là, on a confirmé la présence d'une i5. On ne sait pas exactement de quoi il aurait l'air. Ce qu'on nous dit, c'est que d'ici quelques mois, on devrait nous présenter un premier prototype. Cette i5-là devrait reprendre les motorisations électriques avec prolongateur d'autonomie. Donc, ça devrait se faire au cours des prochains mois. On verra ce que ça va donner. Mais c'est le responsable du développement des produits chez BMW qui l'a confirmé. Donc, il y aura effectivement une i5 au cours des prochaines années. Donc, probablement motorisation d'i3 dans une voiture un peu plus grosse, j'imagine. Ouais, ben ils vont peut-être aller chercher un moteur plus gros parce que c'est quand même aussi le principe du. D'abord, les batteries vont permettre d'avoir une plus grande autonomie probablement. Et le prolongateur d'autonomie, c'est juste un petit trois cylindres, deux cylindres plutôt dans la i3. On est capable de faire un peu mieux probablement. Probablement. Si tu as plus d'espace aussi, tu peux mettre un moteur un petit peu plus gros. Fait que, Exactement. ouais, intéressant. Exactement. Toujours dans la lignée des véhicules électriques, le Daimler qui a décidé d'abandonner Tesla. Il y avait des ententes avec Tesla. Ils ont abandonné Tesla. Ils ont coupé les liens. Monsieur le docteur Zetsche, qui est le big boss de Daimler Mercedes-Benz, dit, ben, écoutez, nous, on va continuer nos choses nous-mêmes. On n'a pas besoin de Tesla pour poursuivre. On est assez grand pour faire nos choses par nous-mêmes. Ce que ça veut dire, cependant, c'est que ils vont pour le moment créer leur propre transmission parce qu'ils utilisaient la transmission Tesla pour l'instant. Donc, on va développer quelque chose et on nous promet une classe B capable de faire 500 km au cours des prochains mois, des prochaines années. Donc, ça aussi, ça devrait être un développement important pour les voitures vertes et voitures électriques. Non, mais faudrait que Chrysler, que pas Chrysler, mais que Mercedes décide de vendre ses véhicules-là au Canada. Parce Oui, que. effectivement. Mais pour le moment, moi, je pense qu'ils ont beaucoup de difficultés de capacité de production. Éventuellement, ils vont y arriver. On n'est pas rendu là encore, mais ça devrait se faire rapidement, rapidement. Il n'y a pas de problème. Ouais, je trouve ça un peu drôle qu'ils disent qu'ils n'ont plus besoin de Tesla. C'est sûr, plus personne n'a besoin de Tesla. Tesla a ouvert ses brevets. C'est Ouais, qui? en fait, moi, je pense que c'est pas ça. Je pense que même pour la fourniture des batteries, Ouais. c'est la fameuse super usine de Tesla qui devait fournir les batteries à Daimler. Puis Daimler a dit non, finalement, nous, on va s'organiser autrement pour faire nos propres batteries. Bon, il y a d'autres compagnies comme LG Chem, des choses comme ça, là. Fait que peut-être, ou ils ont Ouais, peut-être c'est leur ça. propre Puis fournisseur. j'ai l'impression que Tesla n'est pas nécessairement facile à négocier. Alors, c'est peut-être que c'est un choix volontaire. Ouais, probablement. Et enfin, ben là, on va tomber dans un autre registre pas mal, c'est chez Porsche. Porsche, on connaît le Porsche Macan, le petit utilitaire sport intéressant. Mais là, on vient de lui greffer un petit moteur 4 cylindres de 248 chevaux. C'est Bien sûr, on l'a jumelé à la fameuse transmission automatique PDK, la boîte à double embrayage à 7 rapports qui existe un peu partout. C'est un modèle d'entrée de gamme que l'on voulait parce que le problème du Macan, c'est qu'il était assez dispendieux. La version de base était de 57 000 $. Si vous alliez au turbo, il fallait automatiquement passer à plus de 80 000 $. Alors, je pense que là, ça va donner un peu de latitude à ce véhicule-là. Et il faut le dire, chez Porsche, les utilitaires sport vraiment connaissent un succès retentissant. C'est ce qui fait vivre la compagnie. Donc, je pense qu'avec le Macan, c'est un bon choix d'aller dans une introduction de base qui va être plus abordable probablement. Donc, on devrait multiplier les ventes. Ouais, c'est drôle parce que tout le monde chialait un peu en disant ah, Porsche va sortir un, quand ils ont sorti le Cayenne, ah, Porsche va sortir un VUS, c'est pas bon, Porsche c'est pas ça, mais c'est ça qui permet à Porsche aujourd'hui de faire des produits un peu plus péter, tu sais, puis de se lancer sur sortir des produits qui sont moins grand public à cause de ça, parce qu'ils font de l'argent ailleurs, ils peuvent mettre cet argent-là dans d'autres développements de choses que Écoute, personne n'achèterait, là, finalement, tu sais. les véhicules 4 portes de Porsche constituent plus de 55% de leur vente, là. Exact. Fait que faut pas chercher plus loin, là. Pas tellement. Donc, Marc, on va terminer là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, te lire, comment font-ils ça? Ben écoute, ils peuvent aller sur tous les sites de Netmédia 360, c'est-à-dire Ecolo Auto, VUS Mag, Luxury Car Magazine ou Auto au féminin. On peut aussi évidemment me retrouver sur ma page Facebook personnelle à Marc Bouchard ou par Twitter à Marc souligné Bouchard. C'est les meilleures méthodes. Et bien sûr, nos courriels, dont je ne me souviens jamais de l'adresse, mais ça, Luc, je sais que toi, tu les connais par cœur. Alors, je vais te laisser donner ces coordonnées-là. Oui, si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire à info@saroulradio.com. Donc, moi et Marc recevons ces courriels-là. Si vous voulez me rejoindre, moi, bien, sur Twitter, c'est AskAlazormo. Vous pouvez aussi me lire sur le blog automobile de Kijiji à frkijijiblog.ca. Vous cliquez sur la section véhicules. On a le compte Ça roule radio sur Twitter. On a le compte Ça roule radio sur Facebook aussi. Puis, on a le site Internet qui est saroule.com. Vous pouvez nous rejoindre à travers tous ces sites-là. Puis c'est pas mal ça. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté cette émission. Merci, Marc, d'avoir pris du temps ce matin pour enregistrer cette émission-là avec moi. Ben, ça me fait plaisir. Puis on recommence ça dès la semaine prochaine, mon cher, avant que je parte pour la Californie, mais après que j'aie essayé la nouvelle Chevrolet Spark. Bon, ben, on parlera de ça la semaine prochaine d'abord. OK, bye bye. Merci tout le monde. Bye.